aurait du tonnerre de posséder un ange comme ça. C'est du tonnerre de pouvoir dire qu'il est à moi. Ses yeux rieurs sont un bronzé, son rire joyeux, son grain de beauté. Ils sont à moi, ils sont ma joie, j'en suis cinglée. C'est pas du vent, c'est du réel, et croyez-moi. Apollon même, à côté de lui, n'existe pas. Imaginez un demi-dieu que je suis seul à rendre heureux. C'est du tonnerre de posséder un ange comme ça. S'il est modeste, il ne se croit pas un beau garçon. On ne peut pas dire que je l'ai choisi pour ses millions. Il est fauché comme un champ de blé à la moisson. Mais je m'en fous, j'ai de l'amour plein la maison. Mais puisqu'il m'aime, puisque je l'aime, puisqu'il est là, pourquoi chercher et des raisons, et de pourquoi? Je suis heureuse, j'ai pas de soucis. Je le suis au bal tous les samedis. C'est du tonnerre de posséder un ange comme ça. C'est du tonnerre de posséder un ange comme ça. J'ai dit un ange, mais sincèrement, c'est bien mieux que ça. Je suis violente et ça me désole. Je casserai tout, je perds la boussole. Quand on le regarde, quand il s'attarde, je deviens fort. Mais dans ses bras, je me blottis comme un bambin. Il me sourit et dans ses yeux, il y a du chagrin. Je suis un démon. Lui c'est un ange, et c'est pour ça que tout s'arrange. C'est du tonnerre de posséder un ange comme ça. C'est du tonnerre de posséder